est or qui vaut or, par Amédée Achard. Vers l'an 1515, le jour de Pâques, une grande foule se pressait aux abords de l'Annonciade. Les cloches des églises de ces villes sonnaient à toute volée, et l'on voyait par les rues circuler une foule de gens du peuple et de gentilshommes dévotement occupés des choses de la religion. Mais les choses de la galanterie n'y perdaient rien. Chaque mantique soulevait la brise folle, laissait passer la flamme d'une œillade, et mille petits pieds faisaient crier les mules de satin noir. Au moment où le peuple bourdonnait comme un essaim d'abeilles autour de l'Annonciade, ruche chrétienne, étincelante de mille feux et toute pleine de parfums et de mélodies, un cavalier et une jeune dame se rencontrèrent sous le porche de l'église. Le cavalier marchait fièrement, le chapeau sur l'oreille, le manteau sur l'épaule, une main sur la garde de son épée, et de l'autre caressant une fière moustache retroussée à la castillane. Il était seul, sans écuyer ni page. La jeune dame était suivie d'une vieille duègne qui était bien la plus renfrognée personne qui se pût voir de Cadix à Jaén. La duègne marmottait entre les longues barbes de sa coiffe, le nez sur un livre de prière. La dame, en apercevant le cavalier, voulut ramener son voile qu'un coup de vent avait écarté. Mais elle s'y prit si mal que du geste elle découvrit un ravissant visage à faire envie à toutes les madones de Séville. Le cavalier s'arrêta court. Puis, ôtant son chapeau dont la plume alla balayer le sol, il s'inclina. « Si j'étais roi, dit-il, vous seriez reine. » La jeune dame rougit comme une grenade et se hâta d'abaisser le voile, mais pas assez vite cependant, pour que le gentilhomme n'eût le temps de reconnaître qu'elle avait les yeux plus doux que ceux de la gazelle et vifs comme du diamant. La duègne leva le nez, et voyant un jeune homme planté devant elle, la bouche souriante et la moustache en croc, prit le bras de sa compagne et l'entraîna. « Par Saint-Jacques, dit-elle, il ne fait plus sûr dans les rues de Séville. Si j'étais l'alcalde major, j'enverrais dans l'autre monde tous ces beaux muguets qui s'attachent aux pas de femmes pour leur faire perdre leur vertu. » La jeune Andalouse pensait tout bas que ce serait bien dommage d'expédier si loin un si galant cavalier. Mais elle se rassura en le voyant du coin de l'œil prendre le même chemin qu'elle et marcher sur leurs talons. Quand on est de Séville, quand on a 16 ans, et quand on est suivi au travers des rues par un beau jeune homme, que peut-on faire sinon des châteaux en Espagne? Le cavalier avait un si grand air, tant d'audace dans le regard, un si fier maintien, que ce devait être assurément un grand seigneur de la cour du vieux roi Ferdinand. La plume de son chapeau était bien un peu fanée, son pourpoint semblait bien éraillé, mais ce pouvait être aussi quelque compagnon de Don Carlos d'Autriche, arrivé la veille à Cadix par les galères de Gênes. Il lui plaisait sans doute de voyager incognito. Où ne va pas l'imagination d'une jeune fille aussitôt qu'elle s'abandonne à la pente des rêveries? Elle n'avait pas franchi la moitié de la distance qui la séparait de sa demeure, que la nôtre se voyait déjà à Madrid, dans le palais du roi, avec une longue robe de brocart d'or à queue. Quant au cavalier, il se bornait à regarder d'un œil amoureux la fine taille de l'inconnu, sa jambe ronde emprisonnée dans l'émail lustré d'un bas de soie, sa démarche, imposante et légère à la fois, qui lui donnait l'apparence d'une infante, la courbe gracieuse de son cou, et lorsqu'au détour d'une ruelle, il découvrit son profil virginal, doucement éclairé d'un sourire et d'une œillade, il s'estimait le plus heureux des Espagnols. 10 minutes après la sortie de l'Annonciade, la duègne et sa compagne passaient le seuil d'une maison de belle apparence, située dans l'un des plus riches quartiers de la ville. Le cavalier pressa le pas, mais la porte, vivement poussée par la duègne, se referma brusquement devant lui. « Oh, diable, la vieille !» s'écria le cavalier en frappant du talon de sa bottine contre la pierre. Mais la suite de son oraison expira entre ses dents, lorsqu'en levant les yeux, il vit se glisser entre les minces rainures d'une jalousie une main blanche qui tenait délicatement une branche de jasmin. Le cavalier laissa la porte et s'avança vers la fenêtre. Le rameau parfumé tomba et la main disparut. Notre beau jeune homme était trop espagnol pour ignorer que, dans l'idiome symbolique enseigné par les morts à ses aïeux, les fleurs odorantes du jasmin ordonnent d'espérer. Il porta les fleurs à ses lèvres et s'éloigna. Jamais sa démarche n'avait été plus fière. Jamais tant d'éclairs n'avaient brillé dans son regard. Volontiers, il aurait attaché la branche fortunée à son chapeau. Et si l'illustre Jiménez de Cimeros lui avait offert la grande maîtrise de Calatrava pour se ramover aux étoiles de neige, il aurait certainement méprisé la grande maîtrise et congédié le vénérable archevêque. Quand il fut au bout de la rue, le cavalier ralentit son pas d'abord et enfin s'arrêta. Un instant, il sembla réfléchir, le regard tourné vers la bienheureuse jalousie. Puis, comme s'il venait de prendre une résolution subite, il rebroussa chemin et se dirigea d'un pas délibéré vers la maison dont la porte s'était un quart d'heure auparavant si brusquement fermée à son nez. Le cavalier ajusta son feutre gris, donna à son manteau un tour galant, glissa la branche de jasmin sous son pourpoint, saisit le lourd marteau et heurta vigoureusement. La duègne ouvrit. « Jésus, mon Dieu !» fit-elle en reconnaissant le cavalier. Et bien vite, elle tenta de repousser la porte. Mais il n'était plus temps. Le cavalier avait franchi le degré de pierre qui la séparait de la rue. « Votre maître, » dit-il. Le regard du jeune homme était si déterminé que la vieille dame ne put s'empêcher de baisser les yeux. « C'est le diable !» pensa-t-elle, en faisant glisser entre ses doigts les grains d'ivoire et d'ébène d'un chapelet. « Votre maître ?» répéta le jeune homme d'une voix plus haute. « Entrez, seigneur cavalier !» répondit la duègne effarouchée. Et elle introduisit l'inconnu dans une salle basse tapissée de cuir de cordoue, où un gros homme replet jouait à l'ombre avec un prébendier. Dans un coin de la salle, assise près d'une fenêtre ouvrant sur un beau jardin, se tenait une jeune femme. Bien que le cavalier ne pût la voir que par le dos, un secret mouvement de son cœur lui fit reconnaître la dame de l'Annonciade. Le gros homme replet se leva au bruit que fit la duègne en ouvrant la porte. De par Satan, s'il m'est permis de dire ce nom maudit, dans le saint jour où nous sommes, s'écria-t-il, vous entrez bien mal à propos, dame Incarnation. J'avais Spadi, Mani et Ponto, que me voulez-vous? C'est un étranger qui désire parler à votre seigneurie. Eh bien qu'il parle. Avant de vous informer du sujet qui m'amène, permettez-moi, seigneur, de vous demander à qui j'ai l'honneur de parler, dit le jeune cavalier. Qui ne connaît pas le très honorable don Giacomo, Ignace Pablo de Corisco, Veluspa, il est baron, riche négociant en soierie, sergent de la Sainte Hermandade, s'écria le prébendier. « Seigneur prêtre, je vous remercie, » dit le cavalier. Puis se tournant vers le négociant, il ajouta, « Je suis charmé, seigneur Don Giacomo Ignace Pablo de Corisco y Veluspa y Liberon, d'avoir la certitude que je suis entré dans la maison d'un honnête homme. Elle m'encourage à vous demander, si vous voulez bien m'accepter pour gendre, en m'accordant la main de mademoiselle votre fille. » À cette brusque déclaration, ce fut une stupéfaction générale parmi les hôtes de la salle basse. La jeune dame, qui, pendant le discours du cavalier, s'était à demi retournée, pencha sa tête sur son sein, rouge comme une fraise, immobile comme une statue. La duègne leva les yeux au ciel et prit Sainte Pamphile à témoin qu'elle n'avait jamais vu de drôle aussi déterminé. Le prébendier joignit les mains en ouvrant de grands yeux, et le marchand se redressa de toute la hauteur de sa petite taille. Le très digne seigneur Don Giacomo de Corisco y Veluspa y Liberon n'avait jamais entendu parler aussi légèrement d'une chose aussi grave. « Seigneur cavalier, reprit-il après un instant de silence, me ferez-vous l'honneur de m'apprendre comment on vous nomme? C'est trop juste pour que je m'y refuse. J'ai toujours entendu dire à ma mère que mon parrain m'avait donné au berceau le nom de Fernand. Don Fernand? Fernand ou Don Fernand, comme vous voudrez. Mais je ne garantis pas le don. » À cette déclaration, le digne marchand hocha la tête. La jeune dame fronça le sourcil et laissa paraître sur ses lèvres une moue assez dédaigneuse. « Ah ça, seigneur Fernand, vous qui prétendez à la main de ma fille, Donna Jacinta, vous avez quelque chose au moins, un château en Andalousie, des magasins à Cadiz ou quelque archevêque dans votre famille ?» reprit le marchand de soierie. Si mon père a jamais eu quelque château, les Maures l'ont sans doute brûlé. On ne m'a jamais dit que parmi tous les magasins de Cadiz, aucun fût à moi. Et je ne sache pas qu'il y ait d'archevêque dans ma famille, à moins que sa sainteté le pape ne m'est appelé depuis hier soir au siège de Grenade. Ici, dame, Incarnation fit le signe de la croix, et le prébendier se demanda si par hasard le seigneur Fernand ne serait pas quelque mort inconverti et déguisé. « Ah ça, mais qu'avez-vous donc ? » s'écria Don Giacomo de Corisco. « J'ai mon épée, » répliqua fièrement le cavalier. En ce moment, un jeune homme entra dans la salle basse. Il portait un riche costume de mauvais goût, et une grande épée battait ses bottes de maroquin du bout de son fourreau doré. Don Giacomo courut à lui et l'embrassa. « Seigneur cavalier qui n'avait rien, » dit-il en se tournant vers notre ami Fernand, « voilà mon futur gendre, l'honorable Don Gaspar Pedro Fontaro y Mendez y Guayaver. Celui-là aussi a une épée, mais la garde en est d'or. « Est or qui vaut or, » reprit Fernand d'une voix haute en tirant à demi son épée. « Je vois que je me suis trompé, » ajouta-t-il en jetant un regard vers Doña Jacinta, qui se tenait à l'écart immobile et muette. « Mais de par Dieu, c'est la garde de mon épée d'acier, la pointe en est aiguë, et j'engage le seigneur Don Gaspar Fontaro y Mendez y Guayaver à ne pas se rencontrer sur ma route, s'il ne veut pas gâter le velours de son pourpoint. » En achevant ces mots, Fernand enfonça son chapeau sur sa tête, roula son manteau autour de sa taille et sortit avant que personne n'eût ouvert la bouche pour lui répondre. Une heure avant le coucher du soleil, le diable, qui ne voulait pas laisser finir le jour de Pâques sans avoir glané au moins un gros péché, envoya Don Gaspar sur le chemin de Fernand. Fernand était fort en colère, depuis le dédain qu'avait marqué Doña Jacinta à l'aveu de son nom. En se voyant si près de Don Gaspar, il lui prit fantaisie de lui chercher querelle, et il ne put s'empêcher de lui appliquer son coup dans la poitrine si rudement que le gendre de Don Giacomo de Corisco trébucha. « Seigneur cavalier, s'écria Fernand, vous m'avez heurté. Si votre intention est de m'insulter, vous allez m'en rendre raison. « Moi ? » répliqua Don Gaspar, qui était le plus pacifique propriétaire des environs de Séville. « Mais c'est vous qui m'avez frappé. » « C'est bien, » ajoutons Fernand. « Ne faisons pas de bruit, je suis à vos ordres. » Deux ou trois personnes s'étaient retournées à la voix de Fernand. Parmi elles, le jeune cavalier avisa un capitaine d'aventure qui souriait dans sa barbe. « Seigneur capitaine, lui dit-il, veuillez, je vous prie, nous servir de témoin. Voilà un jeune gentilhomme qui vient de me provoquer en duel. Il prétend me conduire sur l'heure hors des remparts. « Mais !» balbutia Don Gaspar. « Je vous suis, » interrompit le capitaine. « Ne craignez pas de me déranger, ce sont là de ces services qu'un militaire ne refuse jamais. « Marchons donc, » reprit Fernand. Un quart d'heure après, on s'arrêtait derrière les murs d'un couvent, et les épées brillaient au soleil. À la nuit tombante, une litière déposa à la porte de Don Giacomo le seigneur Don Gaspar, percé d'un grand coup d'épée qui lui avait labouré les côtes. En apprenant que c'était de Fernand que Don Gaspar avait reçu cette furieuse estocade, Dame Incarnation ne douta plus que Belzébuth en personne ne se fût promené dans les rues de Séville le jour de Pâques en habit de cavalier. Quant à Fernand, il était parti le soir même pour Cadix où le capitaine d'aventure, charmé de sa prouesse, lui avait proposé de le conduire. Et le lendemain, tous deux montaient sur un brigantin qui mettait à la voile pour Hispaniola. Doña Jacinta épousa Don Gaspar Pedro Fontaro y Mendez y Guayaver aussitôt qu'il fut en état de marcher. Quelquefois, lorsqu'il lui arrivait de regarder la mine prudente de son mari, elle se souvenait de Fernand qui avait l'air vaillant d'un gentilhomme. Mais Dame Incarnation ne manquait pas de lui dire que ses pensées lui étaient suggérées par le mauvais esprit, et que certainement Fernand était un suppôt de l'enfer. « Quel dommage !» murmurait alors Doña Jacinta. « C'était un bien joli garçon. » Or, un jour, 8 ou 10 ans après, un grand tumulte se fit entendre dans les rues de Séville. Une foule immense se précipitait vers le port. Les marchands quittaient leurs boutiques, les ouvriers leurs ateliers, les soldats leurs casernes, les moines leurs couvents, les femmes leurs balcons. « Que se passe-t-il donc ?» demanda le vieux Don Giacomo de Corisco à son gendre qui arrivait tout essoufflé. « Ma foi, je n'y comprends rien. Tous ces gens-là disent qu'ils vont au port voir un homme qui a donné à notre grand empereur plus d'état que ses pères ne lui ont laissé de ville. Vous l'appelez ?»« Fernand Cortés. » Une heure après, Doña Jacinta, debout au bras de son père, sur le pas de sa porte, vit s'avancer un homme à cheval couvert d'habits magnifiques. Une foule innombrable le précédait, l'accompagnait, le suivait en poussant mille cris de joie. Les femmes agitaient leurs mouchoirs. Tous les regards cherchaient le vainqueur du Mexique. À sa vue, Doña Jacinta tressaillit. « Regardez mon père !» dit-elle en pâlissant. « Fernand ?» s'écria le bonhomme, et de sa main tremblante, il ôta son chapeau. Fernand Cortés les aperçut. Un sourire passa sur ses lèvres. D'une main, il tira la lame de son épée, qui était d'or, et de l'autre, il toucha la garde, qui semblait faite d'un seul diamant, tant elle resplendissait au soleil. « Oui, » murmura Doña Jacinta tout bas, « est or qui vaut or. » Amédée Achard.